Amis humains, bonjour. Voici une petite mise à jour de la pensée d'Albert Camus. En ces temps où l'humain a tendance à devenir une valeur plutôt relative. Dixième partie. Justice et liberté. La révolte constitue donc une action, intransigeante et limitée, elle doit soutenir des institutions qui limitent la violence, justement parce que cet horizon est le seul dans lequel la révolte puisse continuer à opérer, jour après jour, comme le vin, comme sève. Rien de nouveau, sauf la cohérence, cet inconnu de l'hypocrisie bourgeoise comme du délire révolutionnaire. Rien de nouveau, la justice et la liberté. Mais la gauche doit savoir qu'elles peuvent parfois être en conflit. Il existe donc une priorité. Tuer la liberté pour faire régner la justice, revient à restaurer le corps mystique sous les espèces les plus basses, la possibilité de la lutte, tel est le bien le plus précieux, car c'est dans cette possibilité que réside la dignité. La liberté est première, mais elle existe en vue de la justice, et non comme prétexte pour y renoncer. La droite, en effet, a essayé d'utiliser Camus et sa critique radicale du communisme, mais en vain. Son choix du camp des travailleurs est inébranlable, notre place est à leur côté, sa rigueur morale est réfractaire au spectacle livré par l'establishment, la cupidité, l'égoïsme infini, l'aveuglement satisfait, les basses jouissances de nos classes dirigeantes, condamnent la cupidité de la société bourgeoise. Les journalistes ne valent pas mieux. Camus trouve scandaleux que la presse ne rende pas compte de la mort d'un travailleur du bâtiment tombé d'un toit, et qu'elle étale sur ses unes les péripéties sentimentales de la princesse Margaret, l'Express, 8 novembre 1955. Ils n'avaient encore rien vu, les « réalistes », hier comme aujourd'hui, crieront encore au moralisme. L'inverse est vrai aussi, l'hypocrisie, loi de l'existence bourgeoise, anesthésie les libertés. Le grand péché de la société bourgeoise a été de faire de ce mot liberté une mystification sans contenu, c'est ainsi que l'on prépare l'indifférence envers les libertés et que l'on mitridatise les citoyens face au risque de nouvelles oppressions. Contre cette dérive, Camus soutient la liste de Pierre Mendès France, le Front Républicain, l'Express, 3 janvier 1956. Cet engagement s'explique aussi par le fossé que creuse entre lui et la gauche son engagement en faveur des révoltes de l'Est. En 1953, c'est Berlin qui se soulève, en 1956 Poznan puis l'insurrection hongroise, ce que fut l'Espagne pour nous il y a 20 ans, la Hongrie le sera aujourd'hui. Camus est donc contre les communistes, ses nouveaux conservateurs, et contre les conservateurs tout court. Dans les deux cas, ça n'est pas par fanatisme mais par sens de la mesure. S'il y avait quelque chose à conserver dans notre société, je ne verrais aucun déshonneur à être conservateur. Il n'en est malheureusement rien. C'est pour cette raison que l'intellectuel ne peut se soustraire à l'action, bien que les compagnons de route, par leur conformisme, aient pollué et usé les raisons de l'engagement. La nostalgie du repos et de la paix doit elle-même être repoussée, elle coïncide avec l'acceptation de l'iniquité. Sobre et définitif. Méfions-nous donc des hypocrites qui chantent les heureuses sociétés d'antan. Ces sociétés n'étaient pas heureuses mais plutôt muettes d'oppression. Que ce temps soit loué au contraire où la misère crie et retarde le sommeil des rassasiés. Contre les conservateurs qui ont fait de l'individu une idéologie, Camus défend ainsi non pas les perversions du collectivisme mais les raisons d'un nouvel individualisme. J'ai besoin des autres qui ont besoin de moi et de chacun. L'individualisme de la révolte est altruiste et se bat contre la colonisation des masses que l'hypocrisie bourgeoise comme le cynisme communiste contribuent tous deux à faire advenir. Malgré le prix Nobel et les immenses tirages de ses livres, Camus est demeuré isolé des élites d'un monde et d'une culture enferrés dans la guerre froide et incapables de penser en dehors des logiques de camp. Face à un double nihilisme d'État, l'impératif de Camus est donc celui de prendre la démocratie au sérieux et de rester fidèle à la résistance. S'enfuir dans la nostalgie, mais en refusant obstinément la chlorose des années qui suivront la guerre, quand le temps des monts enragés et de l'amitié fantastique fera place au veau d'or d'un machiavélisme de seconde main. Cette logique dans laquelle le succès est souverain, nous le savons déjà, porte l'éclipse de la liberté. La fin justifie les moyens. Cela est possible. Mais qui justifiera la fin ? La révolte répond, les moyens. Seul ce refus du « réalisme politique » que Camus réitère constamment met véritablement en œuvre une politique efficace. L'efficacité de la sève, bien sûr, et non celle du typhon. Camus opte donc pour une politique de réformisme libertaire. Contre le cours de l'histoire, qui pousse à la fusion entre la société policière et de la société marchande, la liberté consiste d'abord à ne pas mentir. Car le mensonge détruit, la complicité et la communication découverte par la révolte. C'est peut-être un programme à minima, mais les hommes politiques n'y ont jamais été fidèles. C'est le travail de Sisyphe de la révolte devenue politique quotidienne. Il ne s'agit donc pas de chercher la vérité, mais de refuser le mensonge, qui s'accompagne du refus des certitudes reposantes données par la foi et l'hypostase. Est-ce qu'on peut faire le parti de ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir raison ? Ce serait le mien. Camus est là en totale sympathie avec son ami Char, le doute est à l'origine de toute grandeur. Fin de la 10e partie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.